Yeah. Angry Sam. C'est ma fête. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Let's go. C'est ma fête, j'ai tout juste d'avoir 20 ans. C'est dur dire que la vraie vie, elle commence maintenant. Mais je suis rendu solitaire, j'ai trop peur de faire la misère. Tant que broyer des bras, mes chums, je vais peut-être lâcher la bière. La vie, c'est up and down, oui, c'est white and brown. Je m'envole comme une flèche dans ma tête, me tourne au couple de flamèche. J'aime ça faire du mal, oui, d'un bout à l'autre, je cale. Mes amis et ma famille me disent que je suis juste du sale. Ces derniers temps, moi, t'avoue que du temps, j'en ai gaspillé. J'ai de la peine à me dire que des gens me prennent par pitié. On m'a souvent dit donc, va t'en faire soigner. Mais tant qu'à y être, des amis m'en a éloigné. On me souvient pris pour une brocole. Puis ça, ça remonte depuis mon temps à l'école. Je me suis battu pour y rester. Je suis vécu, je suis désolé. Peut-être que la drogue va finir par me lâcher. Je suis quand même fucking conscient, même si mes yeux sont rouges de sang. Après mourir de plus d'argent, j'aimerais mieux courir maintenant. Je veux juste disparaître pour me faire retour renaître. Je veux juste pour une fois régler tout, puis avoir la foi. Croire en moi, c'est pas facile. On me dit même que je suis susceptible de la misère à avoir l'illégalité de la médaille. Peut-être qu'un jour, je finirai par voir le bon côté de mes babayes. Je roule à 100 000 à l'heure, sur ma tête je compte les fleurs. J'en connais déjà toxiques pis pas capable de prendre ça c'est. Les diazours sont gens d'avant, me font comprendre bien maintenant. Ça sert à rien de garder derrière, la vie c'est quand même un enfer. Perdu à cette âme d'envie. Je souris plus, je meurs d'envie de faire tout en même temps. C'est pas même ça marche, ben oui c'est pesant. Bloquer toutes ces personnes comme depuis tout le temps. Je me fais plus de fun, je veux juste pédaler, m'enfoncer loin d'ici. J'ai juste le goût de broyer, je pars bientôt, oh oui. La vie commence pas clairement, c'est si t'en passes le temps. On danse, t'es un autre job, je vais te faire vivre ta vie au stress. Le putain lâché remords, qui font te faire prendre ta force. T'es le king ta royauté, j'ai que c'est dur un coup à passer. Je veux pas que tu perdes la tête, je suis ton gardien. Fais pas comme ton oncle, lui c'est détruit, et ben... Je ravis l'espace-temps, je t'assure que ma vie je la sens, mais tout va bien maintenant. Pas parce que je fume que je donne maintenant. Non mais ton corps te dit, avec toi je n'ai pas fini. En bon tailleur une 10 secondes, pour toi je fais ça, c'est pas calme, mais sur rien profond. T'es te donné dans ta tête, la fille c'est sous ton corps, t'es plus pas désormais, je t'ai dit oui, ça me tue la selle. I'll be dead, the Beethoven.